啊。 Caché dans ton guichet, contreplaqué, aggloméré, linoléum. Bureau dépaisé, t'es toute la sainte journée, j'ai à te parler. Je veux un timbre sans bas. Où je veux téléphoner, donne-moi plutôt un petit ticket doré pour aller me balader. Parler, parler dans l'hygiophone. T'as pas besoin de sonner, demande à l'interphone. Quelqu'un, décroche ton téléphone. Ça se regarde chacun de chaque côté. On a l'air de mer ou coincé dans l'aquarium. Mais faudra qu'entre nous, je casse la plexiglas. Et qu'un jour, mais je te parle en face. Je te raconte l'histoire du petit ticket troué. Qui n'a jamais vraiment marché pour aller se balader. Parler. Parler en dichaphone. T'as pas besoin de sonner. Demande à l'interphone. Si t'as envie de quelqu'un, décroche ton téléphone. Téléphone, téléphone, téléphone. Danser. Joue ton électrophone. T'as pas besoin de gueuler. Demande au mégaphone. Bientôt au bout du